Chapitre 8e. De tout temps, il y eut trois moyens d'être femme à la mode, la beauté, la fortune et l'esprit. Mademoiselle Delorme en employait un quatrième, dont notre héroïne ne voulait point se servir. Claudine, privée de fortune, n'avait à proprement parler que la beauté, mais pour y ajouter l'esprit, il ne lui manquait qu'un peu de culture. Avec l'argent que lui avait donné Marion, elle prit un logement modeste mais commode dans la rue Saint-Côme et s'y enferma durant 4 mois pour y refaire son éducation. Un maître à danser lui enseigna plus de manières qu'elle ne voulait avoir, en conservant le naturel, qu'elle estimait avant toute chose. Un jour de lutte lui apprit en un jour à tourner avec grâce les chevilles de cet instrument, mais elle ne s'en tint pas là, il suit bientôt assez de musique pour accompagner sa voix. Quant au maître de langue et de bel esprit, elle lui donna la plus grosse part de son temps et profita de ses leçons avec une ardeur incroyable. Une fois assurée de pouvoir se montrer avec avantage, Claudine sortit de sa retraite et se rendit un matin chez Mademoiselle Delorme, suivie d'une prude femme, selon la coutume des jeunes filles de la bourgeoisie. Elle n'eut pas fait 100 pas dans la rue qu'elle put lire dans les yeux des passants l'effet de sa bonne mine et de sa beauté. Quelques jeunes gens, la voyant en équipage de demoiselles, la saluèrent pour feindre de la connaître. Son maître à danser lui avait appris l'inclination de tête par laquelle on répondait à ses hommages avec la modestie et la civilité de rigueur. Claudine connut le fruit qu'elle avait tiré de ses leçons au respect qu'inspirait la simplicité de sa parure et sa démarche décente, relevée par la contenance austère de sa prude femme. Elle arriva ainsi devant le petit hôtel de Mademoiselle Delorme. Un appareil funéraire en couvrait la façade. Des tentures noires pendaient le long des murs. Les passants entraient comme en un lieu public et sortaient avec des airs consternés. Toutes les portes étaient ouvertes. Claudine pénétra jusque dans la chambre à coucher, illuminée par des cierges. Sur un lit de parade, elle aperçut le corps de Marion couvert d'habits magnifiques. La mort n'avait point altéré son beau visage. Elle semblait dormir. Quelques personnes priaient autour du lit, mais Claudine ne remarqua parmi elles aucun des adorateurs frivoles de la femme à la mode. Un sanglot déchirant lui fit tourner la tête vers un homme prosterné à côté d'elle et qui portait le petit collet. La douleur de cet homme paraissait si profonde que Claudine en eut les larmes aux yeux. Dans ce moment, l'abbé se releva et, voyant l'émotion de sa voisine, il lui dit en lui prenant la main « Si vous l'avez connu, vous l'avez aimé, mademoiselle, et vous partagez mes regrets. » « C'était ma seule amie, » répondit Claudine. « Ah, mademoiselle, » reprit l'homme au petit collet, « que n'ai-je pu donner 10 ans de ma vie pour prolonger la sienne ? Elle ne m'aimait point. Elle m'a mis 100 fois au désespoir par ses mépris et son indifférence. Jamais le dévouement le plus tendre n'a pu trouver grâce pour ma laideur dans cet esprit léger. Mais que ne suis-je encore en butte à ses railleries ? Qui me rendra ses dédains, ses cruautés avec sa présence ? J'aurais fini par toucher quelque jour ce cœur ouvert à tant d'autres et fermé pour moi. Et quand elle n'eut jamais dû s'attendrir en ma faveur, je trouverais plus doux de mourir à ses genoux que de vivre sans elle comme je vais le faire. » Celui qui regrettait ainsi Mademoiselle Delorme était un garçon de 36 ans, petit, mal fait, avec de gros sourcils fort mobiles qui lui donnaient un masque de comédie. Cependant, la passion prêtait à son visage quelque chose de touchant qui n'était pas sans agrément. Il demanda humblement à Claudine la permission d'aller la voir pour l'entretenir de la défunte et chercher des consolations auprès d'une personne qui partagerait son chagrin. À cet effet, il déclina ses noms et qualités. « Je suis, dit-il avec vivacité, Claude Quillet, abbé, médecin, poète, secrétaire de monsieur le maréchal d'Estrées, admirateur exalté de tout ce qui est beau et par conséquent votre serviteur, mademoiselle. » Claudine dit à monsieur Quillet son nom et sa demeure, lui fit une révérence et se retira suivi de sa prude femme. Dès le lendemain, l'abbé accourut à Saint-Côme. Il revenait du convoi de mademoiselle Delorme, dont il raconta les détails avec tant de larmes que son rabat en était baigné. L'intérêt que lui témoignait Claudine, en partageant sa douleur, bien qu'avec moins d'emportement, fut un grand soulagement à ses peines. À force de vanter les mérites de la défunte, il épuisa son sujet et se vit naturellement amené à en traiter un autre. Il parla de ses démêlés avec le cardinal de Richelieu, qu'il avait voulu mettre en jugement pour avoir appelé jonglerie la possession des nonnes de Loudun. Il raconta sa fuite, ses voyages en Italie, son séjour à Rome, les services qu'il avait rendus à l'ambassadeur de France, et son retour dans sa patrie après la mort du cardinal. Les poètes discourent volontiers de leurs ouvrages, sous le prétexte de consulter Mademoiselle Simon, qui elle entretint longuement d'un poème qu'il voulait entreprendre en latin et dont il exposa la matière, le plan et divers épisodes. Toutes ces choses avaient pour Claudine l'attrait de la nouveauté. Elle y prenait plaisir et prouvait à l'auteur par ses réponses qu'elle le comprenait à merveille. Elle lui donna même quelques avis, dont il reconnut le bon sens et qu'il se promit de suivre dans son travail. La complaisance de l'oreille est pour moitié dans l'esprit d'une femme. Personne n'avait encore si bien écouté qu'hier. Aussi, lorsqu'il eut longuement parlé, il se récria sur l'intelligence et les vues profondes de Mademoiselle Simon. L'admiration le prit à la gorge, il en eut une crise si soudaine qu'il posa le genou en terre devant Claudine en lui disant avec feu « Souffrez que je vous le déclare, ô mademoiselle, j'aurais porté ma tête sur l'échafaud pour Marion. Je me ferai saigner aux quatre membres pour vous. Je retrouve en vous une Marion plus jeune, plus pitoyable peut-être, et assurément aussi digne de ma passion. » « Relevez-vous, monsieur l'abbé, répondit Claudine, vous êtes un peu prompt à vous enflammer. Il faut prendre garde à cela. Je n'ai pas autant de ressemblance avec la pauvre Marion que votre imagination le veut bien supposer. Je vis d'autre manière qu'elle, il est vrai, interrompit Quillet. J'aimais sa folie, j'adorerais votre sagesse. Rien ne pourrait m'en empêcher. Agréez seulement mes respects, car je ne suis pas si téméraire que de prétendre davantage. Daignez m'admettre souvent comme aujourd'hui aux délices de votre conversation, et je m'estimerai le plus favorisé des mortels. Mon bon monsieur Quillet, répondit Claudine, revenez me voir aussi souvent qu'il vous plaira. Il n'est point nécessaire de vous jeter à mes pieds pour obtenir cette permission. L'abbé se releva, et comme s'il eût été seul, il se mit à parcourir la chambre en se disant à lui-même avec des élans de joie. Qui est mon ami? Tu es un heureux homme. Tu allais infailliblement mourir de chagrin, et voilà que le ciel a placé sur ton chemin la seule personne qui te put consoler. Un astre pour la beauté, un ange pour la douceur, une enchanteresse pour les grâces. Remercie Dieu de cette rencontre qui est. Ne sois point ingrat. » Quand il eut achevé son monologue, l'abbé prit congé de Claudine et courut parler d'elle à tous ses amis. Il en entretient particulièrement M. Destrée, avec des hyperboles incroyables. Le maréchal avait l'esprit court, mais il recherchait volontiers les gens qui l'avaient plus long que lui. Il voulut voir cette beauté dont M. Quillet vantait si haut les grâces. Un personnage de son âge et de sa qualité n'était point de ceux qui trouvaient les portes fermées. Claudine le reçut avec les honneurs qu'il méritait. Elle écouta les radotages du maréchal, ses redemontades militaires, ses anecdotes souvent insipides touchant son ambassade à Rome, avec autant de complaisance que les récits de M. Quillet, et comme elle parla peu, le vieillard fut enchanté d'elle. M. Destrée, frère de la belle Gabrielle, était d'amoureuse manière. Il se croyait tout permis avec les femmes, en sorte que dès la seconde visite à Mademoiselle Simon, il commença sans préambule par lui déclarer sa flamme. Au premier mot, il se vit couper la parole. « Monsieur le maréchal, lui dit Claudine, vous êtes un brave militaire, je vous répondrai avec la franchise des gens de votre profession. Je suis trop loyal, et je vous veux trop de bien pour vous laisser perdre votre temps. Sachez donc que je suis déterminé à vivre honnêtement et à n'écouter personne plus favorablement que vous. Si vous daignez accepter mon amitié, vous pourrez vous convaincre de la vérité de mes paroles et de la fermeté de mes résolutions en observant ma conduite à venir. N'allez pas plus loin, je vous prie, dans votre déclaration, et causons, s'il vous plaît, d'autre chose. » « Par ma foi, dit le vieux maréchal, voilà une explication comme je les aime. Je crois à votre sincérité aussi bien qu'à votre vertu. Touchez-la, mademoiselle, soyons amis, et je me divertirai à voir de plus jeunes que moi se brûler à la chandelle. » Depuis ce moment, M. Destrée ne s'avisa plus de prendre des libertés avec Claudine. Il lui témoigna plus d'estime qu'à personne au monde. Quillet allait partout célébrant les charmes de son ami. En sa qualité de poète, il voyait les auteurs à la mode, l'abbé Conrart, Coltet et l'illustre Chapelain, dont la gloire atteignait à son apogée, car la pucelle n'avait point encore paru. Ces divers personnages, toujours en quête d'applaudissements, souhaitèrent les suffrages de Mademoiselle Simon avec d'autant plus d'appétit que la jeunesse et la beauté n'étaient point l'apanage de leurs admirateurs ordinaires. Ils arrivèrent tous à la fois dans le nouveau temple ouvert au bel esprit. De son côté, le maréchal d'Estrée amenait avec lui des gens de cour et des militaires. En peu de jours, le petit salon de Claudine devint un pays de conversation aussi peuplé que l'hôtel Rambouillet, mais plus diversement. On y voyait de tout, des habits brodés, des baudriers, des ordres royaux, des rabats et des perruques, dont le mauvais état témoignait la science et la célébrité. Artenis et ses amis en conçurent de l'inquiétude. La petite académie de la vicomtesse d'Auchy n'en dormit point de 3 ou 4 nuits. Mademoiselle Scudéry, chez qui l'on se réunissait chaque samedi, fit preuve d'habileté en ne montrant point de jalousie. La bonne demoiselle demanda son antique carrosse et se rendit tout droit à la rue Saint-Côme pour embrasser sa rivale. Sa visite était annoncée. Claudine vint recevoir l'illustre Sapho. C'était le nom poétique qu'on donnait à la sœur du grand Scudéry, jusque sur les degrés de sa maison. Elle lui accorda la droite, la porte, le tapis de pied, le fauteuil de cérémonie, comme à une duchesse, en sorte que sa faune ne se sentit pas d'aise de tant d'honneur. Boileau, qui était au collège en ce temps-là, n'avait point encore dit de Mademoiselle Scudéry qu'elle tenait boutique de verbiage. Elle jouissait d'un immense renom, et d'ailleurs Claudine n'était pas d'humeur à marchander avec les réputations établies. Sappho débuta par lui donner un baiser de comédie avec de grandes démonstrations d'amitié. « Ma toute belle, » dit-elle en s'asseyant, « je me viens lamenter avec vous dans le tête-à-tête du malheur d'avoir de l'esprit. Je sais que vous êtes une des lumières de ce siècle, que vous avez un génie vaste et capable de tout. Partant, vous êtes, ainsi que moi, l'une des personnes les plus à plaindre du monde. Que de soins ne faut-il point pour obliger les gens à converser d'autre chose que de frivolité? J'y passe ma vie et je m'y consume. Dieu soit loué. Vous m'aiderez à cette besogne dont Hercule ne fut point venu à bout. De quoi parle-t-on chez vous? Comptez-moi vos subterfuges et les efforts de votre autorité. Je vous dirai à mon tour comment je gouverne mon peuple chaque samedi. » Mon Dieu, mademoiselle, répondit Claudine, je n'ai point de peuple. On se gouverne à son gré chez moi. Le hasard décide du tour de la conversation, et comme je ne suis ni une lumière de ce siècle, ni un génie vaste, j'échappe aux tourments et aux fatigues qui accablent une femme de votre savoir et de votre mérite. Mademoiselle Scudéry avait l'âme noble et incapable d'envie. Elle sourit avec bonté à l'inexpérience de Claudine et lui donna force conseil. Cependant, sous le prétexte d'une conférence entre généraux d'armée, elle voulait par curiosité procéder à une sorte d'examen. Mademoiselle Simon ne l'esquiva point. Sappho tourna la conversation sur les matières abstraites, sur la philosophie, la politique et les lettres. Ses étalages d'érudition, ses longues phrases et ses expressions académiques formaient un contraste plaisant avec la simplicité, le naturel et le langage tout impromptu de son interlocuteur. Ce naturel était rare alors dans le pays du bel esprit, et Mademoiselle Scudéry n'en sentait point l'avantage. Mais en demeurant persuadée de sa supériorité, comme son âge et sa gloire l'y autorisaient, elle apprécia les connaissances, la mémoire, la facilité à tout saisir de Mademoiselle Simon. « Ce n'est point, » lui dit-elle en prenant congé, « ce n'est point une rivale que je vois en vous, ma toute belle, c'est un compagnon d'armes. Nous siégeons toutes deux sur la colline du Parnasse. Ainsi que des officiers vigilants, nous écarterons les mauvais soldats et distribuerons à la véritable valeur nos sourires et nos applaudissements. » « Je n'ai point la prétention d'occuper un grade dans cette illustre armée, » répondit Claudine. « Vous y avez le bâton de maréchal, mademoiselle, et la distribution des récompenses vous appartient. Pour moi, je me contenterai de m'asseoir sur l'herbe de la colline et d'encourager tous les combattants qui monteront à l'assaut, qu'ils soient valeureux ou faibles, bons soldats ou maraudeurs. » Ce n'était pas une petite épreuve qu'un entretien avec Sappho. Claudine n'en soupçonnait point le danger, et n'en eut que plus de succès. Mademoiselle Scudéry, de retour chez elle, employa son exagération et ses plus beaux effets d'éloquence à louer la modestie et les qualités de Mademoiselle Simon. Elle raconta les détails de sa visite à Saint-Côme avec plus de frais qu'un voyage aux Grandes Indes. À l'instant même, la réputation de Claudine grandit de 20 coudées. Monsieur de Scudéry en personne voulut connaître cette nouvelle merveille et lui répéter la description qu'il aimait à faire de son gouvernement de Notre-Dame de la Garde. Il l'ennuya fort, Mademoiselle Simon, mais il ajouta par sa présence un lustre incomparable aux réunions de la rue Saint-Côme. On devine aisément que parmi tant de gens empressés, Claudine eut à supporter bien des déclarations d'amour. Tous les plus jeunes, les plus riches, les plus galants ou les plus célèbres s'émancipaient à peindre les feux dont ils brûlaient. C'était comme une procession de pèlerins alentour d'une madone inexorable. Lorsque M. d'Estrées voyait quelques jolis garçons se pencher d'un certain air sur le bras de son fauteuil et souffler un mot tendre à travers les moustaches blondes de Claudine, il s'approchait d'elle et lui demandait si ce dernier galant était plus heureux que les autres. « Pas davantage, » répondait Mademoiselle Simon. « Mais, » reprenait le maréchal, « à quel prétendant votre cœur réserve-t-il donc la couronne? Serait-ce au pauvre roi Charles II que nous voyons errer loin de son trône? » « Mon cœur, » répondait Claudine, « est plus indépendant que l'Angleterre et la Hollande elle-même. Il ne veut ni leur protecteur, ni grand pensionnaire. Tout souverain demande des impôts et je n'ai point de dessein d'en payer. » Prenez garde de tomber dans l'anarchie, comme Mademoiselle de l'Orme ou Ninon de l'Enclos. Ne craignez rien, j'ai un gouvernement à mon usage, vous le connaîtrez quelque jour. M. d'Estrées se frottait les mains et regardait les jeunes gens d'un air de pitié en répétant « La plaisante fille que cette petite Simon !» Le maréchal eut ainsi le passe-temps de voir repousser une kyrielle de soupirants de toutes conditions. Parmi les plus notables, on peut citer les suivants. M. L'Huillier, vieux maître des comptes, perdu de débauche mais riche, qui parut fort surpris de son échec et se fit mettre à la porte pour avoir poussé l'aventure jusqu'à des offres d'argent. Son fils Chapelle, alors âgé de 25 ans, est l'un des plus agréables esprits de ce temps-là. M. Le Camus, fils du conseiller d'État, jeune homme bien fait, capable de plaire. Saint-Thierry, espèce d'homme à bonne fortune, qui ne se vantait point de toutes ses mésaventures. Voilà pour la robe. Dans les pays, il y eut un nombre plus considérable d'amoureux éconduits. Le plus remarquable de ceux-ci était Ruvigny, l'ancien amant de Mademoiselle de Rohan, et dont la disgrâce étonna si fort les habitués de la rue Saint-Côme que la vertu de Claudine en fut réputée imprenable comme la citadelle de Lérida. On verra tout à l'heure quel était le dessein secret de notre héroïne, quelle idée fixe la soutenait inébranlable au milieu de ses écueils, et par où ses rigueurs devaient finir.